couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Couleur Locale sur Fadjet 94.2 FM à Nancy et Fadjet.net pour une demi-heure de musique, discussion et découverte. Je suis aujourd'hui avec pas moins de 3 jeunes talents de la scène musicale nancéenne. Bado, Anastasia, Roder, bonjour. Bonjour. Alors, je vais faire rapidement un tour de table pour vous présenter. Je vais commencer par Bado, ici présent. Donc, tu es rappeur nancéen, tu pratiques depuis des années. Bah, je pense qu'on peut le dire, je te connais depuis le lycée. Je me rappelle encore quand tu commençais à gratter tes textes sur des prods. Faut pas parler de ça. YouTube, coin fume, ouais. D'accord, on va pas parler de ça. Tu as sorti ton premier EP Coup de Poker en février 2024. Exactement. Si je me trompe pas. Ensuite, j'ai avec moi Anastasia. Salut. Salut. Donc Anastasia, tu es une chanteuse. Yes. Tu fais partie du groupe Swing Family. Ouais. Où tu as pu apparaître sur l'album Standard en 2023. Si c'est je bien me trompe ça. Pas. Ouais. Donc c'est un groupe qui est plutôt au créneau jazz manouche. Yes. Et tu lances aussi ton projet solo. Sonorité plutôt soul et R&B, même reggae, ouais, j'ai vu. Reggae un peu. Pas ouais. mal, ouais. Mm. Et ton premier single, Prier, est sorti en 2024. 2022. Mm. 2022. Yes, c'est ça. Excuse-moi. Ouais. Et enfin, Roder. Roder, bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, toi aussi, tu fais du rap à Nancy. C'est ça. T'as sorti plusieurs singles depuis 2023. Mm-hmm. Dont, mm, ouais. Ouais, dont un premier projet, Porte, qui est sorti aussi en 2023. Ouais, c'est ça. Et t'es pas mal actif sur la scène rap nancéenne, notamment avec ta proximité avec la guilde. Ouais, donc, pas forcément grâce à eux, mais je travaille à côté dans le média en tant que, enfin, de mon initiative personnelle en dehors de la musique. Ouais, ouais, bien sûr. Mais c'est aussi par rapport à ton réseau sur les différents agents culturels de la ville. D'ailleurs, je crois que tous les trois, globalement, vous êtes pas mal présents sur les événements. Je sais pas, on parlera peut-être de rap session ou de tous les événements que vous pouvez participer et soutenir. Mmh. Et du coup, on va parler pendant 30 minutes de musique et de création artistique à Nancy, maintenant, en 2024. Et je vous propose de commencer cette discussion par cette question, ou plutôt cette ligne. Comment vous viviez votre pratique artistique? Dans quel contexte? De quelle manière? Ou plutôt, ce qui vous plaît dans le fait de faire de la musique actuellement? Ah ouais. Rien très que profond. Ça. Je sais très pas qui veut commencer, qui se sent inspiré. T'es inspiré, Bado? Non, pas tant que ça. Allez, je crois que Bado est inspiré. Pourquoi tu fais de la musique, au final? Je sais pas, parce que j'ai toujours fait de la musique. Enfin, c'est un truc que toi, t'as su, parce que j'ai fait le conservatoire. Enfin, j'ai toujours été baigné là-dedans. Ah ouais, t'as commencé par le conservatoire? Ouais. Ok. C'était pas du rap, hein. C'était pas du rap, ouais. C'était pas du tout du rap. Ah bah oui, avec l'alto. J'ai découvert le rap même sur le tard. J'écoutais du rock, du métal même. J'ai découvert ça assez tard, j'ai vraiment bien aimé, et puis j'ai rencontré des gens comme Roder au lycée qui m'ont motivé à écrire mes premiers textes malgré les échecs de ces premiers textes. Ils étaient très bien tes premiers textes, je peux le dire. Ils étaient pas fous. Et après, je sais pas, c'est juste une envie, j'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie de faire de la musique. Après, la sortir, c'est plus compliqué pour moi, j'arrive pas à me motiver à la sortir. Oh, c'est... Ouais. De base, il faut que j'arrive à passer ce cap de hors juste moi, aimer ce que je fais. Enfin, juste aimer faire de la musique, parce que j'aime pas forcément les sons que je fais, tu vois, mais juste aimer cette pratique, c'est un peu ça qui me pousse à le faire, et aussi la rencontre des gens, ce qu'on peut s'apporter entre artistes, les influences qu'on peut se donner, les découvertes musicales aussi. Roder, c'est quelqu'un qui me fait découvrir énormément de rappeurs. Inversement, frère, c'est pareil. Hein. Et je pense que je m'ouvrirais pas autant à des styles de rap qui sont différents de celui que je pratique si il y avait pas cet engouement-là autour des artistes et de ce qu'on écoute et de ce qu'on vit. Donc ouais. Je pense que c'est ça qui me pousse beaucoup. Bah c'est déjà beaucoup, comme quoi t'avais des idées. Donc ouais. Ça, qui veut poursuivre? Qui se sente complété à ce qui a été dit? Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec ce qu'il a dit. En vrai, ouais, faire de la musique, c'est ce qui nous rapproche. Surtout à Nancy, il y a une grosse communauté d'artistes, de gens des terres, de gens qui ont envie d'en vivre, qui ont envie de propager des messages forts. Moi, je sais que j'ai commencé à écrire justement avec Roder, avec Momo, avec les gens de la guilde, etc. C'est des gens qui m'ont un peu fait comprendre que la musique, c'était pas que quelque chose de familial. Avec moi, j'ai commencé la musique avec des gens. Ils faisaient ça depuis tout petit. Enfin, ils faisaient ça depuis des années et des années. Et là, de partager de la musique avec, avec des jeunes, avec des gens des terres, l'industrie du rap qui prend énormément de place. C'est sûr que moi, en tant que chanteuse, c'est aussi différent. Mais les artistes à Nancy sont assez ouverts et je prends beaucoup de plaisir à venir aux événements et à se donner de la force entre nous. Ouais, ouais, bien sûr. Et il me semble que tu... T'es souvent aussi dans le milieu un peu rap, session ou carrément. Bah, rien que là, j'avais prévu d'inviter Bado déjà, et du coup il y a Roder qui s'est rajouté. Et toi, donc ça montre qu'il y a vraiment une communauté qui travaille ensemble quotidiennement et qui se booste les uns les autres. Mais carrément. Et puis en tant que chanteuse, j'ai pas trop le choix de venir à des événements rap parce que malheureusement il y a soit ça soit des jams très jazz et il y a pas vraiment, enfin moi j'ai jamais vu une rap session que de femmes, tu vois, c'est pas possible. Ouais, souvent généralement, c'est un peu l'exception, voilà, c'est ça, tu vois. Après, généralement il y en a une, deux, elles ont pas envie de se mouiller aussi pour la plupart. Oui, bon. Bon, moi, on peut parler du contexte aussi. De toute façon, on reviendra plus tard un peu dans tout le contexte dans lequel vous pouvez un peu vous exprimer, faire vivre votre musique. Peut-être qu'on peut passer à toi, Roder. Tu fais de la musique aussi depuis pas mal de temps, c'est ça? On en discutait rien qu'hier. Tu t'es organisé assez tôt, même au lycée, avec Skyfatch, le citer. C'est le collectif qu'on avait à l'époque. Bah, à l'époque même où j'ai rencontré Bado, même avant que ce soit vraiment Bado. Mais si je peux rebondir en soi sur ce qui a été dit par Anna et par Bado, c'est un peu répéter ce qu'ils ont dit, mais ça reste majoritairement de l'échange, cette musique-là. J'étais en collectif avant et déjà à cette époque-là, t'avais ces délires d'efforts créatifs communautaires, tu vois. On était plusieurs, on avait chacun notre style, chacun nos forces, chacun nos faiblesses, on arrivait à les conjuguer pour faire un truc qui était intéressant. Après, c'était peut-être la formation qui était... Genre, nous, on était peut-être trop jeunes, on n'avait pas assez de recul sur le projet. Et moi, à côté de ça, j'ai toujours eu de la facilité pour échanger au niveau des autres projets, des projets des autres, tu vois. Que ce soit avec Anna, quand effectivement, comme elle dit, on s'est rencontrés dans une soirée improbable, je me rappelle. C'était Momo, mon manager, qui m'avait ramené chez elle. Et une grosse coloc avec des grosses soirées de son. Et c'est là que j'ai appris qu'elle faisait de la musique, tu vois. Ouais, ça peut aller très c'était vite. C'était la bonne époque, ouais. Ça reste Nancy, hein. Nancy, c'est... Ouais. C'est... En vrai, c'est tout petit. On a une communauté d'artistes où... Moi, surtout avec la grosse coloc, quand je suis arrivée à Nancy, j'étais dans une grosse coloc. Et on faisait souvent des grosses soirées. Et en fait, c'est comme ça, que j'ai commencé, en fait, à rencontrer énormément d'artistes. Et au final, ça partait en open mic dans la cuisine, tu vois. Enfin, c'était... Quand il n'y en avait pas un deuxième dans le salon, juste à côté. Exactement. Mais okay, exactement. Et puis après, ça faisait des battles. Cool. Laisse tomber, c'est génial. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mes premiers sons. Tu vois, t'as un coup dans la gueule, il est 3h du mat. C'est Momo qui t'a aidé à gratter aussi tes premiers trucs. Carrément. Tu mets une instru et puis après, tu commences à gratter. T'es en mode, waouh, ça, c'est bien. Et puis au final, là, 3 ans après, ça crée des vrais trucs, quoi. Ça sort en single ou dans un projet. Mais on aura l'occasion de reparler un peu de tout le contexte plus tard. Là, ce que je vous propose, c'est d'écouter... un son de Bado, pour commencer, peut-être. Let's go. Bado, tu es venu avec une exclue aujourd'hui. Exactement. Ouais, il y aura beaucoup d'exclus de mon côté. Beaucoup d'exclus, comme d'habitude. Qui s'intitule Player One. Est-ce que tu peux en dire deux mots? C'est un morceau d'un projet qui est encore en cours de fabrication. Il est encore à l'usine. C'est un projet où je vais beaucoup rapper. Dans mon EP, j'avais essayé de faire beaucoup de choses différentes. J'avais tenté l'autotune pour la première fois, ce genre de choses. Et je me suis dit, ce que j'aime vraiment faire, c'est les gros schémas de rimes, les placements de fous, et essayer quand même d'avoir du sens, mais pas écrire forcément avec du thème, juste m'amuser à écrire et à voir jusqu'où je peux pousser mes rimes, mon écriture. Et c'est un peu le morceau-là, c'est un peu ça, tout en ayant quand même quelques trucs à dire qui marchent, tu vois, qui peuvent percuter, sans forcément juste faire de l'ego trip pur, quoi. Ok, voilà. Ok. Donc ce que tu proposes là, c'est une sorte d'avant-goût de projet futur. Exactement. Ah, très bien. On est toujours sur Fat Jet et on va écouter Player One de Bado tout de suite. Mmh. j'aime pas les pauvres qui copient-collent. Les riches et les riches qui jouent la comédie devant les caméras pour que décollent les chiffres. Ma skip c'est ça, être connecté. Moi je prône l'éthique quand y'a plus d'honnêteté. Je m'inspire de poésie, de la prose, des livres quand les autres ne savent plus procéder. Niveau danger, faut que je l'évalue. Je reste pas en échec comme Carlsen Magnus. Ça je me lève à l'aube, c'est jamais les mêmes règles. Pourtant je crois pas que le jeu évolue. Le soir que des migraines, je peux même plus dormir. En ce moment je tousse si fort, rien que ça me fait vomir. Faut que s'il y a de la pitié, je viens baffer vos mines. Je m'affronte seul, j'en fais pas d'affaires de famille. Tout ça me rappelle que je suis mortel, donc ce que je fais doit importer. Rien que le monde c'est un bordel, ça vole une vie sur un portable. Je resterai pas coincé dans les playoffs, comme sur Wii, je peux pas pull player one. Faut que je m'améliore, je reste pas coincé dans les playoffs. Confiant comme si je pouvais le faire, je me confie, jamais sain d'en parler tous mes frères. Rien que je suis là pour mes frères, même si nos portes sont mes fers. Je suis aux commandes de mon poste, je m'attelle. Une vie en fil, ça ne tient qu'à ça. Jamais je m'endors comme Cassian, mais je veux la même empreinte post-mortem. Tu te bats pour la gloire et les chiffres, je me bats pour les rires et les bouquets. Je trouve ma dopamine dans les bouquins. Coincé chez moi, y'a plus d'un skill débloqué. Mon gars va pourquoi faire des manières. J'en fume mes poumons, j'avais mal hier. Y'aura l'initiale de tout le monde sur la chevalière. Si j'arrive chez vous, je repars direct. C'est que si c'est important que je me déplace, si j'ai rien à faire, je me tire. C'est tout en haut que je veux déplacer. Donc comme Wagner, je crée des leitmotifs. Tout ça me rappelle que je suis mortel, donc ce que je fais doit importer. Je reste pas coincé dans les playoffs, comme sur Wii, je me bats pour le player one. Faut que je m'améliore, je reste pas coincé dans les playoffs, yeah. Je reste pas coincé dans les playoffs, comme sur Wii, je me bats pour le player one. Faut que je m'améliore, je reste pas coincé dans les playoffs, yeah. Je reste pas coincé dans les playoffs, je reste pas là. Je reste pas coincé dans les playoffs, je reste pas là. Je reste pas coincé dans les playoffs, comme sur Wii, je me bats pour le player one. C'était Bado avec Player One sur Fadjet. Bado qui est présent avec nous. C'était beaucoup trop chaud. Très très très chaud, ça va bientôt sortir. Mais il n'est pas seul avec moi, il y a aussi Anastasia et Rodeur. On est toujours là. On entendra leur son un peu plus tard dans l'émission. Dans la première partie, on a pas mal parlé, on a commencé à aborder la question du contexte, un peu des gens qui nous entourent, de là où on fait de la musique, de Nancy plus globalement. Et du coup, je voulais vous demander quelle part cette ville prend dans vos musiques, sa scène culturelle et effectivement les rencontres, les collaborations que vous avez pu y faire. Qu'est-ce que ça a pu vous apporter ou à quel point ça a mis une empreinte chez vous? Nancy. Ouais, Nancy. Nancy Zoo. Exactement. En fait, ça dépend, tu vois. Parce que quand tu commences un truc, quand tu commences un bail de débuter une proposition artistique, tu le fais en ne sachant pas forcément dans quoi tu vas évoluer, de quoi est fait ton environnement, tu vois. Un artiste, quand il va commencer son projet, qui va vouloir s'intéresser à ce truc-là, il va y avoir plein de structures, plein de boîtes, plein de producteurs, plein de trucs qu'il va pas connaître et qu'il va découvrir sur le tas à force de se renseigner, à force d'aller pousser le truc, d'aller sur des événements, de se rendre présent, de contacter carrément, d'envoyer des mails et des trucs comme ça, ou alors carrément les connexions elles se font directement sur les événements. C'est comme ils parlaient tous les deux avant dans la première partie, en vrai les scènes ouvertes style open mic, même les jam sessions, les soirées qui sont en faveur de tout mouvement artistique ou culturel, c'est toujours des endroits où tu vas recroiser des gens que tu connais et où tu vas découvrir des gens que tu connais pas, mais que d'autres connaissent parce que c'est les acteurs de ce milieu, c'est des artistes, c'est des beatmakers, c'est des producteurs, c'est des programmateurs. On s'apporte tous toujours un peu, où chacun il fonctionne un peu comme il veut. Moi, je sais que je le fais plus par affinité avec les gens en qui je peux avoir une totale confiance, avec qui je sais que je peux avancer sur plusieurs années, tu vois. Ouais. Donc voilà. Ouais, moi je trouve que de se rendre à des événements ici à Nancy, c'est important. Ta question, c'était l'empreinte qu'a Nancy sur nos arts. Que ça laisse et Bah moi je sais en tout cas que ça a vraiment été l'impulsion Nancy. Je fais de la musique depuis que je suis toute petite avec ma famille. Oui, toi tu viens des Vosges, c'est ça? Ouais, je viens des Vosges de base. Et ça a vraiment, moi je sais, Nancy vraiment ça a été l'impulsion du truc. Après maintenant là ça fait un an que je bosse pas à Nancy, pas avec des gens de Nancy, avec producteurs et musiciens qui viennent plutôt d'Alsace. Mm-hmm. et qui sont dans un autre game, pas à Nancy. Mais c'est vrai que je continue toujours à aller dans les événements ici à Nancy, etc. Parce que je trouve que c'est ça qui fait les connexions, c'est ça qui fait effectivement aussi d'un point de vue promo, c'est sûr que il faut sortir de chez soi. Bien moi, sûr. Je trouve que c'est important, tu vois. Après, Nancy, c'est cool, mais il faut savoir s'exporter autre part. Après, faut pas oublier d'où on vient. Et, et Nancy, c'est les connexions. Hein. Nancy, c'est les frères. Bah, c'est les connexions du début de carrière et puis même actuelle, peut-être aussi. Ouais, carrément. Tu peux des équipes avec qui tu peux fonctionner sur le tas. C'est ça. En vrai, j'ai commencé le son, comme tu dis, avec Skyfat. J'avais une équipe avec des producteurs, avec des artistes et tout. On fonctionnait entre nous. Les années avancent, il y en a qui partent, il y en a qui restent. Ouais. Majoritairement du collectif qui est resté, c'est Momo qui m'a suivi moi sur mon projet perso. Derrière, j'ai rencontré d'autres gens, d'autres producteurs, d'autres créatifs comme Élie Grégoire par exemple, qui travaille avec toi aussi, tu vois. Et c'est des gens avec qui il y a une fiabilité et comme je disais tout à l'heure, une confiance. Ils comprennent ton projet, ils savent où est-ce que tu veux aller. Toi, tu comprends ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils veulent faire aussi avec toi, tu vois. Et après, let's go, tu vois. C'est la même dynamique. En fait, on a beaucoup. C'est vrai que c'est ça l'important, c'est se donner de la force entre nous. Mm-hmm. On a tous le même objectif, vivre de notre art. On a tous envie de. Moi, personnellement, j'ai envie de vivre de la musique, je me vois pas faire et autre ça, chose. Ça, c'est un gros travail pour y arriver. Carrément. Et je pense que sans les autres, on peut pas y arriver. Mm-hmm. Faut s'ouvrir aux gens, faut être ouvert et faut accepter les connexions et faut pas. Ouais. Faut être présent, ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Bado, peut-être ? Moi, j'ai pas. Non, je pense que tout le temps on va répéter. Hein, le dernier répète en boucle. Mais enfin, je sais que Nancy, moi, j'avais envie de m'en barrer à l'époque où j'avais un peu arrêté le rap de mon côté. Je voulais vraiment me casser. Il y a pas si longtemps. C'est vraiment depuis cette année où je suis revenu aux événements que j'ai fait des rencontres. Rencontrer juste la commune en CN et tu te dis, il y a quand même du monde. Et ça m'a donné envie vraiment de continuer à faire de la musique ici. Ah, et mais il faut quand même songer à partir. Hein. Par contre, moi, je songe à partir. Ouais, là on est en mode, ouais, non, c'est cool. Pas forcément partir, mais genre exporter le truc. Quoi. C'est ça. Non, faut songer à faire quitter ta musique de Nancy. Ouais, mais en tout cas, la pratiquer à Nancy, ça ne... enfin, je pense que ça ne pose pas de problème. Enfin, y a vraiment beaucoup de gens qui peuvent servir d'émulation pour toi et tu peux aussi servir d'émulation pour les autres. Et ça, c'est vraiment le plus important, je pense. Exactement. Oui, parce que tout à l'heure, vous parliez un petit peu de... depuis le début, en fait, vous parliez des autres qui vous entourent, des gens avec qui vous avez des connexions, qui vous ont aidé par le passé, qui vous êtes maintenant, que vous pouvez aider. Des événements aussi qui se passent où vous pouvez vous montrer, mais les événements, il faut les organiser. Mmh. Et je sais qu'à Nancy, comme dans pas mal de villes, on peut trouver des structures, que ce soit des SMAC comme l'autre canal ou alors des MJC. Enfin, il y a certaines structures publiques qui peuvent aider un peu à la démocratisation de la création artistique. Moi, je suis originaire de Nancy, je suis parti à Strasbourg pour faire mes études. Je fais des études en musique, je suis musicien aussi. Et j'ai vu une espèce de décalage aussi entre ma ville d'avant et ma ville actuelle. Vous n'allez pas beaucoup être aidé. Il faut que vous soyez propre moteur aussi de vos structures, que vous soyez propre moteur de vos événements. Ça crée un espèce de seum, s'il est comme force motrice. Je dirais que c'est pas forcément un seum, c'est plus une espèce de spleen de l'artiste semi-professionnel, tu vois. Le gars qui se lève tous les jours, qui va amputer sa paye pour pouvoir sortir sa musique et tout, tu vois. C'est des trucs que tout le monde fait tous les jours, tu vois. Mais toujours. Mais après, tu le fais pour avoir un retour sur investissement sur le long terme, tu vois. Tu places des espoirs des fois dans des trucs qui auront peut-être pas d'aboutissement ou peut-être pas la finalité que tu veux, mais tu le fais quand même. Tu fonces. Ouais, grave. C'est comme sortir à un open mic à Nancy. En soi, sur le papier, à part des connexions, ça peut rien nous apporter vraiment. Une bonne soirée aussi, ça, peut-être. On passe une bonne soirée, on passe un bon moment, c'est cool. Mais en soi, c'est pas... T'as personne qui va arriver et qui va dire « je suis directeur d'un gros label ». C'est ça, tu vois. Ici maintenant, s'il vous plaît, ouais. Si, enfin, après, voilà... pour avoir la chance de faire ça, moi je sais que je pense beaucoup à la musique par rapport à la scène. C'est vrai que l'industrie du stream, du streaming, etc., moi j'arrive pas pour l'instant encore vraiment à le comprendre. J'arrive pas vraiment à visualiser quel retour sur investissement, t'en parlais, ça pourrait m'apporter. Tu vois, les streams pour l'instant, c'est un peu complètement éloigné de ça. Mais par contre, les concerts, ça, je vois la musique à travers les concerts que je peux faire. Mmh. Mon but, c'est de remplir des salles et vraiment de faire des grosses scènes, des festoches, des trucs. Et c'est vrai que même un petit open mic en soi, si t'es ouvert aux gens, etc. Moi, la dernière fois, j'ai fait un concert au Bar à Mousse, tu vois, un truc, je veux dire, un tout petit truc et tout. C'était pour soutenir le poteau qui organisait un événement, etc. Et tu vois, tu fais ça gratuit et tout, tu fais ça pour le kiff. Et au final, il y avait un gars qui faisait un, enfin qui était recruteur pour son festival. Et au final, j'ai été programmée dans son festival et machin. Et tu vois, petite connexion fait grande connexion et grande connexion fait grand concert. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est un peu l'objectif, bah ouais, c'est l'objectif à long terme. Ouais, carrément. Ça tombe bien que tu l'abordes. On va pouvoir enchaîner de façon assez fluide sur la dernière partie, mais avant ça, on va se réécouter un de vos sons. Yes. On va poursuivre par toi, Anastasia, qui sort le 7 mai, du le coup. Le 7 mai. 7 mai dernier. Yes. Désolé, est-ce que tu peux un peu présenter cette sortie? Ce son, il a été fait avec Pat Vetterer au studio Dub & Sound en Alsace, et c'est un super compositeur. Ça a été vraiment une super synergie qui s'est passée, et je raconte vraiment le fait d'avoir perdu la mémoire et de pas se souvenir des gens, etc., tout en essayant de d'enjailler les gens, et voilà. Et bah c'est super, on va écouter Désolé d'Anastasia sur Fadjet tout de suite pour vous. Je m'en souviens pas, c'est pas l'envie qui me manque, c'est le cerveau qui dé- brouillard se mêle à la fête. Et désolé si parfois je m'en souviens pas, c'est pas l'envie qui me manque, c'est le cerveau qui déraille. Et désolé si parfois je m'entête. Et désolé j'aime, j'ai trop le cœur à la fête. Et désolé si parfois c'est trop dur pour moi, c'est pas l'envie qui manque, c'est le timing qui va pas. Et désolé si j'en perds la tête. Et désolé si le brouillard se mêle à la fête. Et désolé si parfois je m'en souviens pas, c'est pas l'envie qui manque, c'est le cerveau. Du reggae sur Fat Jet avec Désolé d'Anastasia ici présente. Est-ce que ça va toujours? Bah oui, ça va toujours. Je suis super contente que le son soit passé ici sur Fat Jet. Ça fait plaisir à tout le monde. Il y a aussi à la table Rodeur. Hello. Rodeur et Bado. Encore, bonsoir, encore là, Bado. Pareil, on est resté. Alors, je vous propose de continuer cette émission en parlant un peu du futur. C'est-à-dire comment vous voyez votre pratique évoluer. On l'a un peu abordé au cours de la seconde partie, peut-être avec de la délocalisation ou du moins de l'ouverture au-delà de la scène nancéenne. En gros, quelles sont vos perspectives, vos ambitions dans quel contexte vous voyez vous développer assez prochainement? Peut-être Bado peut commencer. Mmh. Wow, cette question, je ne sais pas. C'est l'interrogatoire, tu vas au tableau maintenant. Ok mec, t'es Gastel. Alors du coup... je sais pas comment expliquer ça, la musique, enfin, onche la voix, je sais pas, toujours avec les mêmes personnes, j'espère. Enfin, moi, c'est un truc, c'est peut-être utopique de penser ça, mais c'est un truc, c'est des gens que j'ai rencontrés qui m'ont apporté beaucoup, qui m'ont influencé, et j'ai envie de rester avec ces gens-là, tu vois, que nos musiques, elles évoluent ensemble, enfin. Il y a un truc dans le rap, en tout cas, dans cette musique, qui est très. On représente les gens avec qui on évolue, tu vois, sur Paris fait ça, Lyon fait ça, toutes les grandes villes le font. Et je me dis, vu les artistes qu'on a à Nancy, ce serait trop dommage de pas le faire. Enfin, on peut tous créer des grandes choses et on peut tous créer des grandes choses de plus en plus grandes ensemble, tout en continuant de s'apporter quelque chose. Donc moi, la musique, peu importe le niveau d'écoute, l'échelle à laquelle je serai, je la vois juste espérer évoluer avec les gens avec qui je suis toujours, enfin que je suis déjà et avec qui j'espère être toujours après, tu vois. Ouais, en gros, toi, tu veux travailler ici, pas forcément fermé, ici, tu vois, mais. Bah, avec les gens d'ici. Donc c'est ça, c'est avec les gens que j'ai rencontrés depuis le début. J'ai pas envie d'arrêter de travailler avec eux, alors que c'est ces gens-là, tu vois, qui m'influencent depuis le début, qui me poussent à faire de la musique. Ce serait bête aussi. Ce serait bête et ce serait surtout, je sais pas comment dire, ce serait. Ce serait se trahir peut-être. Ce serait se trahir, ouais, ce serait pas avoir forcément de valeur, tu vois. Enfin, il y a des trucs de valeur humaine qui sont là aussi dans la musique. Et qui doivent se tenir, tu vois. Enfin, je pense, en tout cas, personnellement. Après, t'inquiète, c'est pas parce que tu. Enfin, je pense. C'est pas parce que tu travailles avec d'autres personnes que t'oublies les gens avec qui t'as commencé. Non, bien sûr. C'est pas le truc, ne pas s'empêcher de travailler avec d'autres personnes, mais c'est pas oublier les gens avec qui t'as travaillé. T'es pas obligé de les oublier, tu peux juste t'ouvrir à autre chose. Et puis, à ce moment-là, si d'autres personnes travaillent bien avec toi, c'est ainsi va la vie, tu vois. Bien sûr. Mais je comprends la gymnastique de vouloir rester qu'avec les gens qui t'ont poussé au début, etc. Toi, tu. Moi, je suis. Comment tu vois la suite? Enfin, t'es déjà un petit peu exporté, un peu du côté de l'Alsace, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, un petit peu. Et puis, j'ai envie de bouger, j'ai envie de. Sans oublier, évidemment. Les gens avec qui on a commencé, mais là je suis en train de créer un truc vraiment solide avec mon frère Wismo, que j'ai toujours pas cité d'ailleurs. Après il est temps de le faire. Il est temps de le faire quand même, sans qui je ferais rien du tout. Wismo à la guitare, à la prod, qui est beatmaker, et je travaille aussi avec Patrick Vetterer, qui lui aussi est un grand compositeur, pianiste, ingé son, qui a un super studio en Alsace, aussi près de l'Allemagne. Mmh. Et ouais, le but, c'est de continuer à avancer avec eux à fond, parce que c'est grâce à eux que je fais tout ça. Ça fait un an que je bosse avec eux. Et on compte bien faire un max de scènes, un max de trucs partout, en fait. Le but, c'est d'aller un peu partout. Et j'aimerais bien, ouais, par la suite... une petite signature dans un label, ce serait cool. Histoire de... Parce que travailler en indé, c'est un sport de riche, hein, la musique. Hein. C'est dur. T'investis énormément de temps. Ouais, c'est ça, tu vois. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement. D'investissement, oui. Et ouais, le but, c'est de s'exporter un peu partout. Moi, j'aimerais bien commencer à faire des concerts autre part que le Grand Est. Tu vois, ce serait vraiment cool. tout en restant avec les personnes avec qui je commence à travailler, avec qui je travaille depuis le début, tu vois. De toute façon, c'est un projet, j'ai dit en début d'émission, ton projet solo, mais c'est un projet qui est constitué avec, ton frère, un autre compositeur. Ouais, à la prod Weissmo, Patrick Vetterer, et d'autres, plein de musiciens aussi qui gravitent autour de ce projet-là. Parce qu'effectivement, je dis que je me lance en solo en tant qu'Anastasia artiste, mais derrière moi, il y a toute une équipe, plein de gens qui s'investissent à fond, et c'est grave important de leur faire un big up. Et sans eux, franchement, sans Weissmo, sans mon petit frère, franchement, je pourrais rien faire. C'est grâce à lui beaucoup de choses, et je compte bien faire des scènes de plus en plus grosses avec tous ces musiciens là et embarquer un max de gens dans les opportunités, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr. Et et Swing Family, du coup, La Swing Family, alors la Swing Family, c'est ma famille, tout le monde joue, les petits c'est des fous. Les petits, c'est les plus doués, quoi. Ils sont fous malades. Piano, saxophone. Ils travaillent déjà avec mon petit frère beatmaker. Ils vont poser sur des... Ils vont créer des instrus, etc. Eux, ils vont travailler pas que dans le jazz, aussi dans le rap, etc. Et puis, ils vont grandir et on va faire des choses folles. Ça va être génial. Mais pour l'instant, Swing Family, c'est un peu en stand-by. Ouais. Ok, oui. Chaque chose en son temps. C'est ça. Un futur assez chargé, donc. Ouais. On espère. On va tout faire c'est pour, le plan, en tout cas. Détermination, à fond. C'est le mot d'ordre. Et toi, Rodar, alors comme tu avais cité au début de l'émission, j'avais déjà un peu commencé tout ça avec Projet Porte, en vrai. Je remercie d'ailleurs, en vrai, au passage, Momo, Billy, Diego, Branson, Camille, tous les gens, Alice, qui ont participé à la création de ce projet. Je peux aussi remercier ma prof Pauliana, ma coaching vocale. Attends, je fais de la merde avec le micro. Casse le studio, voilà. En direct. Nickel. Et ma coach Pauliana, bien évidemment encore Billy et aussi Bado qui m'accompagne sur les scènes en ce moment. Puis ouais, des petits projets un peu qui vont évoluer, toujours je pense avec la même équipe. Peut-être une petite pause après les vacances, je pense. Il y a les nocturnes étudiantes, du coup. Yes, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore. On a été sélectionnés avec Anastasia et moi-même. Et du coup, on sera à place Carnot, où il y aura également Bado avec moi au backing. Ouais, il faut venir. J'ai plus la date exacte. Mais... C'est le 26 septembre, je crois. 26 septembre. C'est pas le 4 ? Non. Okay. Peut-être. Je sais pas. Septembre. Vous pouvez vérifier ça. Il y a le temps. C'est du coup courant septembre, place Carnot. C'est un gros ça. Événement. Il faut venir au festival aussi. Parce qu'on va faire pas mal de festivals, toi tu vas en faire aussi, non ? Ouais, moi je serai au BDS le pareil. 21 juillet. Ouais. Yes, ça va être trop bien. Mmh. Ouais. Justement, il y a plein d'événements qui arrivent et qui peuvent encore arriver. Ouais. On peut vous demander vos réseaux ou pour vous suivre. Carrément. Par exemple, Rodar, toi, où est-ce qu'on peut suivre ton actu ? Rodar-du-bas 13-13 sur Instagram. Puis également Rodar, RODEUR sur les plateformes pour y retrouver tout ce qui va arriver bientôt, très prochainement. Yes, I. Moi, c'est Anastasia-du-bas musique sur Insta. Et pareil sur TikTok aussi, Anastasia-du-bas musique. Et voilà, TikTok, Insta, Snap, vite fait. Facebook aussi pour les plus anciens. C'est bien de se diversifier. Ouais. Et à la prod Weissmo aussi. Public. Ouais. À la prod Weissmo, sur Instagram. De toute façon, je pense que si on tombe sur un de vous très vite, ça fait le lien entre tous les profils. Ouais, carrément. Ouais. Et toi, Bado, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur Instagram, bado.ncy, et puis sur les plateformes BAD'O. Voilà tout simplement. Tout bête. Je vous propose de finir sur un son de toi, Rodar. Mm-hmm. Yes. Géofront, qui est sorti très récemment. C'est est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Un single. Bah, c'était deux mots, non, mais c'est un single qui annonce l'arrivée de choses plutôt sympas. Je m'avance pas encore en termes de date de sortie, mais ça devrait arriver très prochainement avec un autre clip aussi qui arrive très très rapidement aussi. Ça travaille dur ici. Donc, merci à vous, merci à toi d'avoir accordé votre temps pour cette émission. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Bonne continuation. Merci à toi aussi. On se revoit très bientôt sur Fadjet. Tout de suite, Géofront de Rodar. Mmh. choses au clair. Wood, néo-genesis. Je viens faire le complémentaire entre des mondes de style envers les autres à la base. Jamais à tes côtes, tu le sais. Je trouve de moins en moins d'occasions d'être rabat. Tant tu me trouveras toujours au sommet de ma botte. Les pieds dans un four enfermé dans un bat. Sur la prod, pique-nique, on prend pas chez moi. Me force comme si je faisais de l'acrobranche. Je garde dans la glace, je me dis c'est quand qu'on mord. Les années passent et que le branche récompense. Les natrois m'ont trixé parce que tous les compenses. Ça me fait la même, je fume, je décompresse. Mon self care, plus jamais dans le stress. Quand je rêve de maman, encore en train de danser. Plus jamais mon corps dans un coma. Mon passé, mes peines dans un collage. Niveau torture mentale, je suis incollable. Bédif, inductif, quand je pop sur le sommet. Très vite, je saurais, j'oublie. Pardon des soirées, j'ai le bordel, c'est Ibiza. On descend nos attentes quand on voit les plus hauts. Faire chier les rêves pour des visas. Il faut te faire croire que les génies futurs, c'est ça qui dévisage. Il faut de l'apprentissage, mais pas garanti que le monde il est saisi ça. Il est comme Fred Cécité, dès que t'es enfissé ou nécessité. J'ai des téléphones remplis de toutes ces idées, mais il me manque un quatre cerveaux pour te réciter. Je capte plus tes fréquences quand je relance mon processeur. T'as le courage de toi, t'es meilleur des professeurs. Une séquence tout s'enchaîne. Je vois tes images comme pour c'était. Leur vision se paye que l'autre, et a pas le même procédé. Je capte plus tes fréquences quand je relance mon processeur. T'as le courage de toi, t'es mieux des professeurs. Pour que comme souffle s'enchaîne. Je vois tes images comme possédées. Leur vision c'est peut-être la nôtre, mais y'a pas le même procédé. Dans un sillon qui t'enterre, pour minimum vital vivre en paix. Je pose genre des bonnes mains, j'ai plus le temps pour. Que mes lyrics s'éclatent du tambour. Juste un peu, tu veux ma S. J'suis pas que trop fric, donc je n'achève. J'ai soigné le style, c'est du réveil au coucher. Je prends pas pour un rappeur fashion. J'capte plus tes fréquences quand je relance mon processeur. T'as le courage de toi, t'es le meilleur des professeurs. Une séquence tout s'enchaîne. Je vois tes images comme possédées. Leur vision c'est peut-être la nôtre, mais y'a pas le même procédé. J'capte plus tes fréquences quand je relance mon processeur. T'as le courage de toi, t'es le meilleur des professeurs. Une séquence tout s'enchaîne. Je vois tes images comme possédées. Leur vision c'est peut-être la nôtre, mais y'a pas le même procédé. J'capte plus tes fréquences quand je relance mon processeur. T'as le courage de toi, t'es le meilleur des professeurs. Une séquence tout s'enchaîne. Je vois tes images comme possédées. Leur vision c'est peut-être la nôtre, mais y'a pas le même procédé.